Nous attendons vibrations de son. Un truc de dingue, un truc de psychopathe. profond, qui confort, ça te remonte des pieds jusqu'au cerveau, remue. Normalement, tu le sais, ça te fait comme ça, ça te remue des pieds jusqu'au cerveau. De fou, de dingue. Desafinando. nothing. J'en ai plus rien à foutre et maintenant je suis complètement cané. J'ai envie d'aller me coucher, pourtant j'ai dit que j'allais m'arrêter il y a une heure déjà. Et pourtant j'ai encore quelque chose à boire et je suis pas, j'ai encore quelque chose à boire et je suis pas complètement fâché avec l'idée de créer, je suis pas complètement fâché lui-même. Ne serait-ce qu'un peu ennuyé. Possibilité d'une île. La possibilité d'un continent. Derrière l'urgence imminente. Possibilité d'une île, d'un continent. Incontinente, une île qui prendrait l'eau, une île qui prendrait la fuite, une île incontinente, une île incontinente qui prendrait l'eau. Au milieu de la mer, perdu dans l'océan, une île idéale, vierge, une île où je serai le Robinson. Creusoé, crois-moi, vendredi n'est pas payé, vraiment. S'isoler, s'isoler, s'isoler, c'est tentant. De nos jours, je comprends. Ouais. Construire un mur, une bulle, des écrans, fumer. La réalité est dure. Faisons ensemble extrême, unique, provisoire, comme les armes. dramatic system. Well, yes, I know I need to restore my rhythm of existence. Yeah, I'm going slow. We've used enough. Making music, making sound, sharing, yeah, around the world, around the world. Between continents, yeah, we are ever that. Now, education. We don't need now, hold on to. La neuf langue est partout, faut la bannir. Attention, ça s'infiltre. Dans l'intime. Ça veut contrôler ton corps. Tes parties intimes. Jusqu'au bout du millénaire. Jusqu'au bout du millénaire. Jusqu'au bout. Ce nouveau millénaire, ce nouveau millénaire. Faire face au vent en formation, va falloir s'organiser. On commence à comprendre comment. Ouais, les réseaux, l'énergie. L'information, le carburant dans ce nouveau millénaire, nous entrons avec angoisse, espoir, dans ce nouveau millénaire. Putain, on espère que ça se renverse. Vers le nouveau, le vrai. Le deuxième millénaire de l'humanité. Ah. Déjà, on sait qu'on commence à compter depuis Jésus. C'est obsolète. On compte quand même. Encore, par tradition, par facilité, obsession, parfois, dans ce nouveau millénaire. mon avis. Depuis le Covid, faudrait se retrouver. Car jamais, jamais, de nouveau, les gens se sont côtoyés à nouveau. Fragmentés, séparés, divisés. Dans ce nouveau milieu, on doit apprendre à vivre ensemble à nouveau. On a tous les yeux depuis le début. C'est quoi le début? C'est quand le début? Après il y a le milieu, puis il y a la fin. Quand la veste est tellement retournée que la haut bande de la mettre en commentaire. T'as trop grossi, t'as pris du bec à l'envers, avec toutes les barres de la vie. Yeah. À l'envers, de toute façon, de n'importe quel côté que tu prennes, la réalité c'est difficile. Peu de gens de nos jours tiennent leurs paroles. À l'envers, alors, trop souvent on se voit l'endroit, à l'envers, quand on te l'a fait à l'envers, trop souvent, à chaque fois, auto-dafé, tu joues le jeu et tu te prends une gifle. La parole donnée par l'administration ne vaut pas mieux que ton cassos de voisin. L'endroit, quand on te l'a fait à l'endroit, à l'endroit, quand on me l'a fait à souvent l'envers. À l'envers. Une histoire de petit pouvoir, tu vois, c'est comme ça. La secrétaire qui te dit à l'endroit. Burnout organisé à l'envers, petit pouvoir. À tu reviendras, car devient... c'est moi qui t'ai choisi. Tu vois, à l'envers. Quand tu retournes le gant, et les gants. Blanc. Tu consens. Quand tu rêves le défi, vraiment. Quand tu te le prends, et sûrement. Tu le sais, tu le sens. Tu le sais, tu le sens. Mais tu consens. Tu le sais, tu le sens. Consens quand même. Tu le sais, tu le sens, mais tu consens. Tu donnes ton consentement quand même, facilement comme ça. J'accepte quoi. Sentiments, tu joues quand même avec le système. Mes sentiments, tu le sais, tu le sens. Je consens et pourtant, je sais. Vas-y, je le sais. Sanguinolent. Elle est géniale. Vas-y, Ocean, c'est toi. Tu le sais, tu le sens même. Tu consens quand même. Et ça fait des grands. Chez ces gens-là. Et ça fait des grands. portrait de la grand-mère. J'ai fait genre là, tu sais. J'ai les vieilles mains qui tremblent, qui est. J'ai fait genre, là. C'est elle qui a l'oseille. On attend qu'elle crève parce que c'est elle qui a l'oseille. J'ai des grands. On attend qu'elle crève. Que c'est elle qui a l'oseille. Parce que chez ces gens-là, on ne pense pas. On ne prend plus de la soupe de la réalité. Heureusement, y'a Frida. Belle comme un soleil. Et qui. Laisse-moi traîner ton cul. Laisse-moi traîner comme ton soleil qui me rappelle qui je suis. Maintenant que je suis vieux, que je suis vieux, je me rappelle plus la passion pourtant. Quel souvenir me rehausse vraiment. Frida, qui est belle comme un soleil, avec une grande maison. Je me rappelle plus vraiment pourtant. Chez ces gens-là, on a fait des choses. Avec sa petite auto, avec son petit manteau, avec son petit chapeau. Te suffisent. Si tu glisses, ben alors ça. Maintenant c'est un bon amour, fais-le comme ça. Si tu glisses, c'est un bon amour, fais-le comme ça. Si tu glisses, c'est un bon amour, fais-le comme ça. Mais la glisse, c'est un bon amour, fais-le comme ça. C'est un bon amour, fais-le comme ça. C'est un bon amour, fais-le comme ça. C'est un bon amour, fais-le comme ça. C'est un bon amour, fais-le comme ça. Nique le CSA. Tout le monde est corda. Nique le CSA. Qui existe plus. Remplacé par un nouvel organe de censure. On est encore là, on est encore là. Prêt à foutre le zouk et tout le monde les cordes. Prêt à foutre le zouk et tout le monde les cordes. C'est ça, avec le souk et tout le monde des cordes. Les bureaucrates, la censure. On est encore là, prêt à foutre le souk et tout le monde des cordes. Dites le CSA. Non. on est encore là. Prêt à foutre le souk. Pas tout le monde est corda, on a constaté de nos jours. Faudrait mobiliser dans les cités. Non, on est encore là, prêt à foutre le souk, tout le monde est corda, on est pas. Écoute-le, laisse pas tomber dans tes yeux. Hommage à la scène. Depuis le Piémont pyrénéen, un hommage. Au Nébouzan, au plateau du fin du Nébouzan. Grand frère. De cet lieu, frère. On achève bien les chevaux. Foutons tout gilet par balle. Gilet par balle. Universe à goût. Poisson fumé pour cargaison. Explorateur, explore. Monde nouveau. Et pourtant pour la Henri première de fois, Navarre, les kilos de cocaïne arrivent sur la calée. Tu vois, une fois, ils sont pas chez toi, les kilos. La reine Margot. Partagé. Pour une fois, ils sont pas là, les kilos. Catholique. Récupéré. Catholique. Catholique. Et Jésus m'a fié. Et Jésus m'a fié. Au nom de la foi. Au nom de la ma foi, je sais, j'ai fait l'Afrique. De France. Et de Navarre. Et j'ai fait, ma foi, ma fond, ma fou. Henri de France. Marié de force à Marguerite de Valois. La grosse vache. Les noces de sang s'en sont en suivi. Les noces de vache, oui. Ce fut la Saint-Barthélemy. Quel beau banquier, j'ai pu souhaiter. Seigneur à souhait, je me suis livré à de France et de Navarre. Histoire commune. Thank you. Les morts votent. Les morts votent. Plus longtemps. Mets-toi sur Telegram, mec. Je suis dans le déni des réseaux sociaux. Je peux pas saquer réseaux sociaux. Le califat, je ne sais pas qui l'a repoussé. Tu sais comment tu fais rentrer 15 basques dans une 205 hein? Et ben, tu leur dis que c'est impossible. Et voilà. Ouais. Donc ils y arrivent. Oui. C'est le jeu de la force basque. Tu sais comment tu fais rentrer 16 basques dans une cabine téléphonique? Tu leur dis qu'ils peuvent pas rentrer dedans. Et j'ai pas t'as leur numéro. Parce que t'as leur numéro, ils sont sur Insta. Maybe. Et vous les Basques, je vous envie. On n'est pas si loin. Moi je suis à Toulouse et j'ai envie d'aller chez vous l'été. Il fait trop chez vous, j'étais en train de crever cet été. J'avais envie de vous retrouver. La vague, elle était si loin, elle était. J'ai vu la lagune se déplacer, j'ai vu la baïne se déplacer, moi le temps. Sur la plage abandonnée. Coquillage et Christus. Cette combinaison que j'ai récupérée. Loin de moi, tu pars, douloureux. La madrague aura raison de nous deux. must be crazy. La trace